Cuisine Référence. Cuisine Référence, recommandée pour ses cuisines sur mesure et son accompagnement. Vous aussi, vous nous recommanderez. Cuisine Référence, créateur cuisiniste. Et en ce moment, jusqu'à 3000 euros offerts sur votre cuisine. Conditions sur cuisine-référence.fr. France Inter. Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'exposition coloniale de 1931, un zoo humain à la gloire de l'Empire. Le 6 mai 1931, s'ouvre à Paris l'exposition coloniale internationale et des pays d'outre-mer, tel est son nom officiel. Inaugurée en grande pompe, cette manifestation culturelle hors norme par son ambition, son budget et ses réalisations entend incarner la vitrine de l'Empire colonial français, puissant, conquérant et civilisateur. Les affiches de l'événement promettent aux visiteurs un tour du monde en un jour, un voyage grandiose à la rencontre des cultures et peuples d'ailleurs, ce qu'on appelle les indigènes. Au-delà de la reconstitution gigantesque d'un temple asiatique ou d'un palais du Maghreb et de la présence d'éléphants et de crocodiles, la véritable attraction de l'expo coloniale, ce sont les spectacles exotiques auxquels participent des milliers d'hommes venus par bateau des quatre coins de l'Empire. Ils sont marocains, malgaches, gabonais, indochinois, kanaks, pour ne citer que ces ethnies. Recrutés pour les uns, forcés pour les autres, ils participent à la mise en scène de leur vie quotidienne, enfin, telle que l'imaginent les Blancs de la métropole. Un événement où le respect de la dignité humaine s'efface au profit du spectacle. C'est ainsi qu'au jardin d'acclimatation du Bois de Boulogne, une soixantaine de kanaks, décrits comme les derniers sauvages, polygames et cannibales de l'Empire, sont exhibés comme des animaux en cage. Notre invité aujourd'hui est l'historien Amaury Laurin, docteur en histoire à Sciences Po Paris, spécialiste des colonisations européennes contemporaines. Il est l'auteur de nombreux livres, dont le dernier est une biographie de Paul Doumer, intitulée « Paul Doumer, la République audacieuse ». Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, et en partenariat aujourd'hui avec Retro News, le site de presse de la BNF. Récit documentaire Adrien Cara, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Journée glorieuse entre toutes dans les annales de la colonisation française et de la Troisième République. Journée d'apothéose qui marque par sa grandeur, sa haute portée, une date dans l'histoire nationale. Comme une récompense, après plusieurs années de peines et de difficultés vaincues, après les orages et les pluies de l'hiver et de ce début de printemps, jusqu'à ces derniers jours, le temps fut déplorable et l'on dut marquer le pas sur les chantiers faute de pouvoir travailler dans la boue. Le ciel de mai s'est totalement découvert ce matin. Un soleil de fête inonde le bois de Vincennes. Les mots sont impuissants à décrire l'enthousiasme populaire, le délire de cette foule parisienne, si pathétique dans l'expression de sa joie. Mercredi 6 mai 1931, Paris. En ce milieu de journée, il flotte en effet un parfum de fête dans les jardins du bois de Vincennes. Assis à l'arrière de sa voiture décapotable, le président de la République, Gaston Doumergue, accompagné du maréchal Lyautey, remonte à faible allure la grande avenue des colonies françaises, artère principale de l'exposition coloniale. Derrière la voiture du chef de l'État, on aperçoit son escorte, composée d'une trentaine de spahis, unité d'élite de la cavalerie française d'Afrique du Nord, fiers comme Artaban dans leur uniforme d'apparat. Tout au long du parcours, de part et d'autre de la chaussée, alignés au garde-à-vous, plusieurs centaines de soldats des troupes coloniales forment une haie d'honneur. Parmi eux, des tirailleurs du Maghreb qui pointent leurs sabres vers le ciel. Un peu plus loin, des infirmiers indochinois qui agitent le drapeau jaune au petit carré tricolore, bannière de l'Indochine française. Les photographes immortalisent la scène. Leurs clichés se retrouveront à la une avec ce titre « Ouverture à Paris du plus grand parc d'attractions d'Europe ». Sur les affiches placardées dans la capitale, on peut d'ailleurs lire ce message évocateur. Venez découvrir tout le charme et le mystère de l'exotisme dans un admirable décor d'eau et de verdure. Le site de l'exposition coloniale s'étend tout autour du lac Daumesnil sur plus de 110 hectares, soit la surface de 150 terrains de football. Au total, il compte une cinquantaine de bâtiments, symboles chacun des pays qui appartiennent à l'Empire, tous sortis de terre pour l'occasion. Le maréchal Lyautey, commissaire de l'Expo et son équipe ont d'abord pensé s'installer au Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel. Mais le terrain est jugé trop petit. Lyautey a ensuite voulu réquisitionner la grande halle aux vins du quartier de la Sorbonne. Mais là encore, l'espace disponible était trop restreint. Alors va pour Vincennes. Et comme l'explique l'historien congolais Elika Mkobokolo, ce choix répond à plusieurs objectifs, et notamment celui de laisser sur place des structures permanentes une fois l'exposition terminée. L'exposition de Vincennes, ça faisait très longtemps qu'on la voulait, ou en tout cas qu'on voulait quelque chose qui lui ressemble. Donc une grande exposition, une vraie, à Paris ou pas très loin de Paris, quelque chose de grandiose. Pour des raisons multiples, on se dit pourquoi pas le bois de Vincennes ? C'est dans l'est de Paris et il n'y aurait qu'avantage, car la moitié est de Paris à l'époque était relativement peu équipée, aussi bien pour les transports que pour le cadre de vie. On se dit que d'une pierre on ferait deux coups. D'abord, on aurait l'exposition et puis ça serait l'occasion, sinon le prétexte, de moderniser ces quartiers un peu périphériques. Résultat d'un travail acharné de plus de 4 ans, les larges avenues et gigantesques structures de l'exposition quadrillent désormais le bois de Vincennes de part en part. À chaque pays participant son espace, à chaque culture son originalité. Ainsi, le palais de l'Afrique occidentale française dispose d'une réplique de la grande mosquée de Djélé, au Niger. Et un peu plus loin, c'est le grand palais du Maroc qui fascine avec ses fontaines et ses jardins. Il y a aussi le pavillon du Cameroun, dans lequel on a fait aménager une salle de spectacle de 400 sièges. Outre les colonies, parmi les pays invités, les États-Unis, la Belgique, le Portugal ou encore l'Italie, avec un pavillon à la gloire de leur culture, leur empire ou de leur conquête passée. En revanche, l'Angleterre et l'Allemagne ont décliné. L'une pour des raisons sur lesquelles nous reviendrons, l'autre pour des raisons économiques. Mais le clou de cette expo, la première du genre en France depuis celle de Rouen en 1896, c'est sans conteste la reproduction monumentale du temple d'Angkor. Réalisée en carton-pâte, la structure grisâtre du temple et ses moulages sont l'œuvre de l'école française d'Extrême-Orient. Pour rester fidèle à l'original, qui se trouve au milieu de la jungle du protectorat français du Cambodge, les architectes ont recréé les tours hautes de plus de 5 mètres, creusé des canaux et installé au pied de chaque escalier des répliques terrifiantes des serpents géants à 7 têtes, les Najas, divinités mythiques de la mythologie Khmer. Parmi les spectateurs qui découvrent ce décor, on trouve un grand nombre d'enfants. L'un d'eux a 9 ans, un certain Edgar Morin. Devenu par la suite le sociologue et philosophe que l'on connaît, il partage ses souvenirs au micro de France Culture. J'ai été avec mes parents, mon père et ma mère, parce qu'ils étaient très impatients de voir cette exposition, comme du reste énormément de Parisiens, parce que c'était, il y avait la reproduction grandeur nature du temple d'Angkor, et qui était absolument ahurissante et fascinante. Et puis effectivement, c'était à la gloire de l'Empire français. On voyait partout des noirs, des jaunes, etc. Du folklore, des plats, des couscous, et ça. Sur les photos en noir et blanc prises ce 6 mai 1931, la scène du défilé d'ouverture de l'expo coloniale donne dans l'extravagance et semble totalement décalée avec le contexte politique et économique de l'époque. Certes, l'Empire français n'a jamais été aussi grand. Présent sur les 5 continents et sur tous les océans, il dépasse les 11 millions de kilomètres carrés, soit 17 fois la taille de la France métropolitaine. Densément peuplé également, avec plus de 50 millions d'habitants. À côté, la France métropolitaine n'en compte que 42. Enfin, le commerce de marchandises et de matières premières ne s'est jamais aussi bien porté, avec des échanges qui ont triplé depuis 1900. Mais c'est une situation en trompe-l'œil. Car si l'Empire donne l'impression d'être à son apogée, il vit en vérité le début de sa chute. Dans le Rif marocain, en Indochine ou ailleurs en Afrique, des soulèvements meurtriers et des affrontements récurrents prouvent que les tensions entre colons et colonisés vont croissant. À cela s'ajoute la crise économique, qui résulte du krach boursier de 1929 à Wall Street, dont l'un de nos chocs secoue la France métropolitaine. Chômage endémique, industriel ruiné et inquiétude à tous les étages chez les Français. C'est une période ouvertement anxiogène. Comme quoi, La grande exposition coloniale de Paris est un écran de fumée, un excellent moyen de faire oublier aux Français la crise. Et c'est aussi une opportunité incroyable pour éduquer l'opinion au sujet du formidable patrimoine dont la France dispose outre-mer, disent les autorités. Ce qui permet aussi de justifier les dépenses militaires auxquelles consent chaque année l'État pour conserver ses territoires outre-marins. Une démarche que le ministre des Colonies, Paul Reynaud, résume ainsi. Donner aux Français la fierté et la conscience de l'Empire qui est entre leurs mains. Car il est vrai, comme le rappelle l'académicien Éric Orsenna, que le sentiment d'appartenance à l'Empire n'existe pas vraiment dans l'opinion. C'est très frappant de voir qu'à un moment donné, la France croit aux colonies ou à l'Empire, à l'exotisme. Alors que, de manière générale, les colonies ne sont jamais entrées dans l'âme française. Le plus frappant, c'est que j'ai vécu en Angleterre. En Angleterre, la référence à l'Empire est permanente. Mais nous, on dit les colonies. Et il y a une différence inouïe entre l'Empire d'un côté et les colonies de l'autre. Un empire, c'est quelque chose qui vous fait. Les colonies, c'est quelque chose où on fait fortune, on fait de la piastre et puis on revient. C'est au maréchal Lyautey, l'ancien résident général du protectorat français au Maroc et ancien ministre de la guerre, que l'on confie l'organisation de l'expo coloniale. Coût total de l'opération, 375 millions de francs, une somme record, qui correspond aujourd'hui, après conversion et en prenant en compte l'inflation, à 250 millions d'euros. Il faut dire que la France voit les choses en grand. Au-delà des travaux pour l'édification des pavillons autour du lac de Ménil, les autorités font prolonger la ligne 8 du métro jusqu'à la Porte Dorée. Elles font également construire un chemin de fer circulaire de 5,5 km pour faire le tour du site. Dans les allées, 50 cars électriques, oui, électriques, sont mis à disposition des visiteurs et sur le lac, une quinzaine d'embarcations à moteur permettent de le traverser de part en part. Comme ce fut le cas pour l'exposition universelle de 1889, avec la construction de la Tour Eiffel, bien sûr, la France dépense sans compter pour impressionner les visiteurs étrangers et affirmer son statut de grande puissance. Mercredi 6 mai 1931, c'est le grand jour. Il est un peu plus de 15 heures lorsque le cortège présidentiel termine sa visite dans les allées de l'exposition coloniale. Le véhicule du chef de l'État prend alors la direction de la Porte Dorée à l'entrée du bois de Vincennes et s'arrête devant le tout nouveau musée des colonies. À sa descente de voiture, Gaston Doumergue est accueilli sous les applaudissements de la foule. Une fois à l'intérieur du palais, il se rend dans le salon d'honneur. Là, 1500 invités triés sur le volet sont réunis pour l'inauguration. On compte des ministres, des députés et des hommes politiques importants de la Troisième République. Il y a aussi des diplomates et beaucoup de journalistes étrangers. Le président prend place sur l'estrade. Derrière lui, sur le mur de la salle, on distingue une fresque aux couleurs fraîches et vives rappelant les scènes de la vie coloniale. Puis le président prend la parole. Je déclare ouvert l'exposition internationale coloniale de 1931. Noble entreprise d'union et de paix entre les nations. Et j'adresse aux puissances étrangères et aux peuples qui y sont représentés le salut très amical de la France. Le chef de l'État a à peine terminé son discours que retentissent à l'extérieur le son des tirs des canons. Plusieurs détonations qui annoncent aux Parisiens que l'exposition coloniale de 1931 est ouverte. Quelques instants plus tard, à la tribune, le ministre des Colonies, Paul Reynaud, rappelle à tous ses détracteurs que la politique coloniale de la France est légitime, au titre d'une mission civilisatrice. La colonisation est un phénomène qui s'impose, explique-t-il. Il est dans la nature des choses que les peuples arrivés à un niveau supérieur d'évolution se penchent vers ceux qui sont à un niveau inférieur pour les élever jusqu'à eux. Et tous les livrets distribués, les visites guidées, les activités proposées, les cartes postales à acheter dans le cadre de l'expo, tout doit mettre en avant la réussite du modèle colonial français. Son développement, ses richesses et bien sûr les bénéfices qu'il offre à la métropole et aux populations colonisées. Avant l'ouverture au public, le maréchal Lyautey avait promis d'éviter toute mise en scène pittoresque de la vie indigène. Pas question d'hommes nus ou de pousse-pousse chinois. Hors de question de transformer le bois de Vincennes en une foire. Et pourtant, Les organisateurs de l'expo, eux, ne vont pas hésiter à donner dans la surenchère et des dérives douteuses. Comme en témoigne le sociologue Roger Boulet. Les expositions universelles et coloniales encore plus ont eu un rôle considérable parce que elles étaient des supports à une diffusion énorme. Hein. On compte que depuis 1850 jusqu'au début du XXe siècle, ces expositions universelles ont vu défiler plus de 150 millions de visiteurs. Or, dans ces expositions universelles et coloniales, la plus grande attraction, celle qui intéressait vraiment le public, c'était d'aller voir les sauvages. Chaque jour, 300 000 personnes viennent en effet admirer des performances artistiques et culturelles, pour certaines jamais vues en Europe. Les spectateurs se régalent des ballerines annamites, cavaliers arabes, piroguiers du Congo ou danseurs dogons vêtus de masques et de jupes en fibre. Au même moment, mais cette fois de l'autre côté de la capitale, dans le jardin d'acclimatation à l'Orée du Bois de Boulogne, un autre spectacle captive les spectateurs. Ces derniers viennent en famille pour s'offrir le grand frisson. Les curieux se bousculent vers l'enclos des éléphants et des félins, certes. Mais c'est un peu plus loin que se joue le spectacle vedette, l'attraction numéro 1. Là, au bout du chemin, un panonceau de bois annonce deux directions. À gauche, le bassin des crocodiles. À droite, les sauvages cannibales de l'Empire. Autrement dit, zoo humain. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'exposition coloniale de 1931, un zoo humain à la gloire de l'Empire. Affaires Sensibles, Fabrice Drouel. Longtemps, on a cru qu'il était impossible de réunir et faire venir en France les derniers cannibales des îles océaniennes, lointaines et parfumées de l'Empire. La presse nous avait révélé leurs mœurs étranges l'an passé, cette année, dans le cadre de l'exposition coloniale. Le jardin d'acclimatation nous les montre vivants. Une troupe de canaques est en effet arrivée à Paris et elle sera exposée dans le décor si pittoresque de ces atolls enchantés. Juin 1931, Paris. Voilà déjà deux semaines que l'exposition coloniale a ouvert ses portes dans le bois de Vincennes. Et le succès est au rendez-vous. Les billets s'arrachent, on vient assister aux divers spectacles auxquels participent un peu plus de 1500 indigènes venus des quatre coins de l'Empire. Dans la presse, les opinions sont divisées sur l'expérience proposée par le ministère des colonies. Des premières critiques apparaissent, notamment dans les colonnes des journaux de gauche et en particulier dans l'Humanité. Le maréchal Lyautey, commissaire de l'Expo, avait promis que l'exotisme serait d'autant plus intéressant à montrer que s'il était exact et instructif. Ah bon ? Instructif, ces jeunes noirs adultes installés dans une salle de classe reconstituée, l'air hagard et désorienté, écoutant en silence un professeur blanc qui leur fait la leçon de lecture et qui leur parle comme s'il s'adressait à des enfants. Parmi ces élèves adultes, certains savent pourtant déjà lire et d'autres déjà écrire. Et pour cause, certains parmi eux sont des fonctionnaires de l'administration coloniale en Afrique. Mais aujourd'hui, on leur demande de jouer la comédie. Que penser également de ces femmes indigènes à qui on demande de mimer les gestes de leurs ancêtres, d'utiliser des ustensiles de cuisine qu'elles ne connaissent même pas, pour préparer ensuite des repas qui ne sont même pas ceux qu'elles feraient chez elles avec leur famille? Mais il y a plus grave, le sort réservé à une centaine de Kanaks, habitants originels de la Nouvelle-Calédonie. Eux ont été amenés par bateau, puis parqués comme des animaux, au jardin d'acclimatation dans l'ouest de la capitale. Pourtant, les impresarios de l'association des anciens coloniaux qui les ont recrutés, sur place, à Nouméa, leur avaient promis qu'ils seraient les ambassadeurs de leur colonie à l'Expo de Paris. Oui, on leur avait dit qu'ils auraient le privilège de partager leur savoir et leur culture avec les Français de métropole. On leur avait laissé entendre qu'ils pourraient même visiter la capitale sur leur temps libre. Au bout du compte, on leur demande de se comporter comme des bêtes sauvages à deux pas de l'enclos des crocodiles. Une situation révoltante, comme l'explique l'historien Joël Dauphiné dans le documentaire « Kanak, le regard colonial, exposition coloniale 1931 », documentaire réalisé par Alexandre Rosada. On leur demandait à ces malheureux Kanaks de simuler l'acte du cannibalisme. C'est-à-dire qu'on leur faisait pousser des cris gutturaux, on leur faisait éventuellement faire des gesticulations plus ou moins désordonnées, on leur faisait brandir des casse-têtes, on mettait autour de leur cou des amulettes, des fétiches. Le but, c'était essentiellement de les cannibaliser. À l'entrée du jardin d'acclimatation, un petit programme intitulé « Les cannibales » est distribué aux spectateurs. En fonction des heures de la journée, le public peut assister à différentes scènes de la vie supposée des Kanaks. La danse du pilou-pilou, la cuisine autour du feu, le chant dialecte Kanak, la réalisation de fausses pirogues en bois. Et le public, inculte et sans conscience pour la plupart, est absolument ravi de lancer du pain, des bananes et des cacahuètes derrière la grille. L'ensemble est présenté comme une illustration, je cite la brochure, de la vie des derniers sauvages, cannibales et polygames de l'Empire. C'est un metteur en scène du théâtre du Châtelet qui a écrit et organisé les différentes scénettes. Celles-ci se succèdent sans discontinuer toute la journée et jusqu'à la fermeture du jardin à 20h. Entre-temps, les Kanaks ont l'interdiction formelle de s'exprimer en français alors qu'ils le parlent aussi bien que les habitants de métropole. Et pour cause, certains d'entre eux sont instituteurs, prêtres ou travaillent pour l'administration coloniale. Parmi eux, personne n'est cannibale, polygame, évidemment. Sur le plan historique, ces deux pratiques ont eu cours en Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de rites guerriers et de pratiques ésotériques. Mais c'était il y a près de 100 ans. En 1931, on ne dénombre aucun cas d'anthropophagie dans la société Kanak. Le Parti communiste, la Ligue des droits de l'homme, le mouvement des surréalistes, tous se mobilisent et se déclarent indignés du sort réservé à des hommes qui, pour certains, se sont battus dans les tranchées et ont été décorés pour leur courage et leur bravoure au terme de la Première Guerre mondiale. Parmi la centaine de Kanaks exhibés à Paris, il y a le grand-père du footballeur Christian Carambe. Mais il y a aussi celui d'Albert Sioux, qui racontera plus tard tout ce que son aïeul a été contraint de faire durant son voyage en France. On leur demandait de montrer qu'ils étaient des animaux. C'était des mises en scène, parce qu'ils ne vivent plus comme ça. En 1929, la plupart des Kanaks étaient déjà christianisés. Donc on était habillés déjà. On leur demandait même de faire comme s'ils étaient des animaux, de crier. Ils lançaient des cris. Et pourtant, on ne criait plus, on parlait. On avait des langues, etc. Ils étaient forcés de le faire. Et pourtant, il faisait froid. Il fallait qu'ils dansaient. Ils ont pas beaucoup de temps. À moitié nus ? Ah, mais même nus. Par le froid ? Oui. Il y avait des enfants. Il n'y a pas que des adultes. Il y a des enfants. Et il y a des femmes. Quelques femmes et des hommes. Au-delà du spectacle honteux et humiliant dont les Kanaks sont victimes tous les jours, ils doivent supporter l'odieuse météo de Paris, le vent, la pluie, le froid, y compris en juin. Il y a aussi les conditions dans lesquelles ils sont contraints de vivre. Arrivés par bateau à Marseille, après une traversée de plusieurs semaines, au cours de laquelle certains d'entre eux sont morts, ils se voient confisqués de tous leurs biens. En échange, on leur remet une vareuse rouge, un tricot et un caleçon de bain. Beaucoup sont pieds nus, beaucoup grelottent. Leur séjour en France était prévu pour durer 8 mois. Mais pour une grande majorité d'entre eux, le cauchemar va durer presque 2 ans. Car face au succès du spectacle, Cannibal, au jardin d'acclimatation, de nombreux cirques de province réclament qu'on leur prête un canac pour l'exhiber lors de numéros aux côtés d'animaux sauvages. De toute façon, avant même leur arrivée en métropole, le sort de ces Mélanésiens a déjà été scellé, et en secret bien sûr. Didier Denynx, auteur d'un roman qui s'inspire de cette histoire, explique que les autorités françaises de l'époque ont conclu un accord avec leurs homologues allemands. Une semaine avant l'inauguration par le président Doumergue et le maréchal Lyautey, les crocodiles qui étaient juste à côté sont morts, un virus, et il a fallu les remplacer, les crocodiles, pour l'inauguration. Et comme il fallait 2 mois et demi pour faire venir des crocodiles des Caraïbes, il y a un fonctionnaire qu'on a trouvé 60 en Allemagne, dans un cirque de Hambourg. Et ce cirque a accepté de les prêter pendant la durée de l'exposition coloniale, mais en échange d'autant de canaques. Donc il y a eu un échange de crocodiles allemands contre des canaques français. Et ces canaques ont été exposés pendant 8 mois à travers l'Allemagne comme français cannibales. Et certains Allemands expliquaient qu'ils avaient perdu la guerre de 14-18, 13 ans plus tôt, parce qu'on leur envoyait des cannibales dans les tranchées, que c'était une arme secrète qui avait été utilisée par les Français. Le scandale qui va suivre conduit à la mise à l'écart au mois de juillet du gouverneur Guyon, personnage à l'origine de cette opération dite « cannibale ». Malgré la polémique autour de cet épisode, le spectacle des Kanaks se poursuit quand même jusqu'à la fin de l'exposition en novembre 1931. Pour faire adhérer le public à la grande aventure de la colonisation et l'ancrer dans le paysage culturel, les organisateurs ont eu l'idée de concevoir un hymne officiel à l'exposition coloniale. Et c'est au chanteur provençal Alibert qu'on confie le soin d'écrire une chanson au rythme enjoué, bien sûr, et dont les couplets font référence aux différentes populations qui composent l'Empire. Derrière ces paroles d'apparence anodine et bon enfant, se cachent, à peine, les stéréotypes et le reflet des mentalités de l'époque concernant ce qu'on appelle les indigènes. Un rapport à l'altérité décidément très corrompu. Quittant son pays, un petit négro de l'Afrique centrale vint jusqu'à Paris voir l'exposition coloniale. C'était Nénuphar, un joyeux lascar. Pour être élégant, c'est au pied qu'il mettait ses gants. Nénuphar, ça dure tard, mettez un petit rigolard. Ténu comme un ver, tu as le nez en l'air et les cheveux en paille de fer. Quant au noir d'Afrique, on lui attribue le rôle le plus ingrat et le plus dégradant dans la chanson, comme l'explique le philosophe Olivier Razac. C'est vraiment la construction totale en plus du stéréotype, puisqu'on passe du type physique, hein, le type physique, donc il y a le nez, les cheveux, la peau noire, la nudité, etc. Et puis il y a quelques traits de comportement, c'est-à-dire le fait d'être rigolard, donc là c'est le liabon banania total, mais c'est le fait aussi d'être quand même coopératif, etc. Donc il est débrouillard. Évidemment là le tas du retard, c'est à mon avis la phrase clé, c'est-à-dire que c'est l'idée qu'il est très sympathique ce petit noir, mais il a besoin de la métropole, si on peut dire. Malgré le scandale du zoo humain et les protestations des mouvements anticoloniaux de la gauche et des humanistes, qui sont souvent les mêmes, avec plus de 33 millions de billets vendus jusqu'à sa fermeture, le 15 novembre 1931, l'exposition coloniale est un succès considérable. Et elle reste aujourd'hui encore la plus grande manifestation culturelle au XXe siècle en France, et elle fut considérée en son temps comme le plus grand parc d'attractions d'Europe. Oui, parc d'attractions. Après la clôture de l'expo, plusieurs bâtiments construits pour l'occasion ont été conservés. En particulier, le musée permanent des colonies, devenu musée des arts africains et océaniens en 1961, qui abrite depuis 2007 la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Et aujourd'hui, si vous vous baladez à Vincennes, vous verrez sans doute la majestueuse pagode bouddhiste située à côté du lac d'Aubenil, l'un des derniers vestiges de l'expo coloniale et qui était en 1931 le pavillon du Togo et du Cameroun. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Affaire sensible aujourd'hui, l'exposition coloniale de 1931, un zoo humain à la gloire de l'Empire, une émission en partenariat également avec Retro News, le site de presse de la BNF que je cite parce qu'on y trouve plein de choses fascinantes et très intéressantes. Alors, on a entendu tout à l'heure la chanson qui laissait aux Noirs d'Afrique le rôle le plus ingrat, mais je voudrais quand même vous dire comment on parlait de l'Indochinois. On disait l'Indochinois, au lieu de dire les Indochinois, comme si c'était tous les mêmes. L'Indochinois est un travailleur docile, un porteur de sac dévoué, mais un individu dont il faut toujours vérifier la qualité du travail qu'il accomplit. L'Arabe, lui, est considéré comme un personnage toujours ambigu. Certes, il fait preuve de courage quand il faut se battre, mais c'est aussi un paresseux incorrigible, et qui plus est, il est fourbe. Notre invité aujourd'hui, l'historien Amaury Laurin, bonjour. Bonjour Fabrice. Docteur en histoire de sciences à Sciences Po, spécialiste des colonisations européennes contemporaines, vous êtes l'auteur de nombreux livres, dont le dernier est une biographie de Paul Doumer, pas Gaston Doumer, hein, Paul Doumer. Paul Doumer, La République audacieuse, d'ailleurs nous vous avions reçu dans une émission consacrée à Paul Doumer dans Affaires sensibles, c'était le 21 décembre Absolument. 2023, je crois, c'est ça, bien. Alors, La République audacieuse, c'est le titre de votre livre, est paru dans une édition augmentée en 2023 aux éditions Chamballon. Alors, sur ce qu'on disait à l'instant, le côté racisme ordinaire de la société française des années 30, je dis racisme ordinaire parce que c'est un racisme intégré comme quelque chose de normal, et pas qu'en France bien sûr, saute aux yeux avec cette expo. Et pourtant, il semble que pour les autorités françaises, il y a eu un véritable désir d'éducation pour le peuple. Rappelons qu'à l'époque, il y a encore des analphabètes ou des gens peu instruits, le niveau scolaire n'est pas celui d'aujourd'hui évidemment. Donc il y avait de la part du gouvernement quelque chose d'éducatif, une bonne volonté ? Oui, absolument. Le premier objectif de l'exposition pour le gouvernement, il est didactique finalement. C'est faire l'éducation coloniale des Français, si je puis dire, faire connaître et aimer l'Empire qui demeure lointain et méconnu des Français. Hein, et donc susciter des vocations coloniales. On dit que le Français est casanier, à la différence du Britannique qui serait un colonisateur né. Et il faut rappeler aussi que le voyage à ce moment-là se fait en bateau et en train. Le voyage demeure l'apanage des catégories aisées. Le premier vol Air France entre Paris et Saigon, c'est 1933 seulement, 2 ans après l'exposition. D'ailleurs, le vol retour s'écrase en 1934. Et les slogans racoleurs proposent un tour du monde en 24 heures, digne de Jules Verne, et un voyage aux colonies à domicile. Par conséquent, ça explique le succès notamment de la manifestation. Et on va projeter là-dessus des représentations raciales, en effet, un imaginaire. Et le gouvernement veut faire de cette exposition un événement fédérateur, un moment d'union nationale, de communion. Mais vous l'avez très bien dit dans le récit, ça n'est qu'une illusion. Mais oui. Alors, nous sommes en direct, donc je vais vous me permettre de vous demander de vous déporter un tout petit peu sur la droite pour être face au micro. Voilà, parfait. Est-ce qu'il y a une volonté de divertir les Français aussi face à la crise économique? Je rappelle qu'on est 2 ans après le krach de 29 qui a ruiné beaucoup de monde, y compris en France. Absolument. Et on peut présenter l'exposition comme une exaltation, finalement, dans un moment d'inquiétude, dans un moment de crise. Le krach boursier du 24 octobre 1929, les effets se font sentir en France assez rapidement. Donc une volonté de divertir avec cette dimension de fête foraine, des restaurants, un cinéma, des pavillons commerciaux, etc. La deuxième dimension, elle est mercantile, c'est une vitrine, c'est une foire. Hein. Donc on achète du cacao, du café, du caoutchouc, tout un tas de produits. On a toute une iconographie, des encriers, des cartes postales, toute une bibloterie très importante. Et puis il faut aussi rappeler un élément de contexte important, cette exposition, finalement, elle est une réponse à une exposition qui l'a précédée à Wembley, près de Londres, en 1924. La fameuse rivalité, c'est celui qui fera la plus belle, quoi, en gros. Oui, et donc on a une surenchère entre Paris et Londres, et donc Vincennes, finalement, en 1931, c'est une réponse à Wembley, 1924, et Il y a une concurrence très forte entre les deux capitales coloniales, Paris et Londres, pour en effet faire mieux que les précédentes. Et puis, un autre élément de contexte pour bien comprendre cette exposition, c'est l'Alsace et la Lorraine. On doit remonter là parce que finalement, c'est revigorant pour l'orgueil national. Il s'agit d'un mythe compensateur et on peut lire dans les sources que l'honneur, je dis bien l'honneur de la Troisième République, c'est d'avoir fait de la France la seconde puissance coloniale au monde après la puissance britannique. Et donc, après la défaite de 1870, les partisans de la plus grande France, hein, en 1931, eh bien, veulent faire oublier aux Français la pilule de l'Alsace et la Lorraine en leur proposant l'aventure coloniale. Alors, la rivalité franco-anglaise, on rappelle qu'à un moment, pendant l'Empire anglais, deux tiers des terres immergées appartenaient à l'Angleterre. C'est énorme, évidemment. L'Empire français n'était pas petit non plus. En quoi pour nos dirigeants, à l'époque, cet empire était précieux? Alors, bien sûr, il y avait des motivations économiques, mais pas seulement. Économique et politique. Alors on a la mise en place de ce qu'on peut appeler une course aux colonies, une rivalité très forte entre Paris et Londres. Et puis ce qui est important, on l'a vu dans le discours de Reynaud, le discours à l'inauguration, il présente la colonisation comme un phénomène européen. Par conséquent, chaque nation européenne est contrainte de participer à ce phénomène au risque d'être reléguée dans une catégorie de puissance secondaire. Hein, on présente la colonisation comme un mouvement irrépressible. Et pour autant, on dit que les Britanniques donc ce sont des colonisateurs nés. Les Français et les Britanniques vont coloniser différemment. Administration directe dans le cas français, indirecte dans le cas britannique avec des dominions. Les Français hésitent entre association et assimilation, tandis que les Britanniques accordent la citoyenneté au sujet de Sa Majesté. Victoria, reine d'Angleterre, elle est couronnée en plus impératrice des Indes en 1876. Et puis les accès aux indépendances aussi, et cet accès il est plus pacifique parce que les Britanniques vont réformer là où les Français ne le font pas dans les années 20 et dans les années 30 justement, au moment de l'exposition. Alors à la cérémonie d'ouverture de l'expo coloniale de Vincennes, donc le site majoritaire c'est bien Vincennes, hein, et puis cette exposition Canac s'est délocalisée, si je puis dire, du côté ouest, bois de Boulogne. Donc cérémonie d'ouverture le 6 mai 1931, les plus importantes figures politiques de la Troisième République sont là, Paul Némer évidemment, un certain Pierre Laval, qu'on retrouvera de mauvais souvenirs plus tard. Sous Vichy. C'est quoi l'ambiance politique de cette démocratie française, de cette république, alors vraiment très parlementaire, hein, de la Troisième? Paul Doumer, le personnel politique, comment se porte la France politique de ce moment-là, du début des années 30? Alors, donc Gaston Doumergue achève son mandat, puisqu'il est élu président en 1924, et Paul Doumer accède à la présidence de la République la semaine suivant l'inauguration, le 13 mai 1931 précisément. Un journaliste dit d'ailleurs qu'à chaque élection, on perd une syllabe, que le prochain président s'appellera Dou, et puis après, plus rien du tout. Paul Doumer, donc, à partir du 13 mai, sur son mandat, pardon, il est engagé personnellement dans la colonisation, puisqu'il a été gouverneur général de l'Indochine pendant 5 ans, 1887-1902, avant d'accéder à l'Élysée. Par conséquent, pour lui, c'est un point d'orgue, c'est même un triomphe. On note qu'il s'attarde longuement sur le pavillon indochinois, il vient et revient à l'expo coloniale, qui dure quand même 6 mois. Il demeure le père de l'Indochine française de 1902 à 1932. Et pour répondre à votre question, on a une génération de parlementaires. Alors, on a la formation d'un parti colonial qui n'a de parti que le nom. En réalité, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un lobby. On a un lobby colonial à la Chambre des députés et au Sénat. Et on a également toute une génération de généraux coloniaux. Alors, vous parliez de Lyautey. On dit que Lyautey a fait le Maroc, comme Gallieni a fait Madagascar, comme Feder a fait Dakar, et comme Doumer, qui est le seul civil dans ce panthéon, pardon, de généraux coloniaux, on dit que Doumer a fait l'Indochine comme les autres. On le resitue dans cette génération. Donc on est vraiment on a un personnel politique qu'on juge aussi à l'aune de la colonisation et de leur attachement aux colonies. Oui, et l'homme colonial, alors Doumer dit qu'il va gouverner, ça c'est hérité du commandement militaire, l'homme colonial devient un acteur politique nouveau. On dit que les colonies françaises sont un champ d'expérimentation où, c'est le cas de Doumer, en effet, il va pouvoir exercer ses talents pendant 5 ans en Indochine. C'est là que se forme une partie du personnel politique français, en effet. Et on peut lire d'ailleurs en 1931 que les vrais chefs, par opposition tacite aux faux chefs, que les vrais chefs sont issus du monde colonial, sont issus du domaine colonial. Et donc Doumer s'inscrit pleinement là-dedans. Il est partisan d'une action volontariste, d'un gouvernement d'action directe. France Inter. Affaires sensibles. Amaury Laurin, historien spécialiste de l'histoire coloniale. Alors, on fait l'expo coloniale, c'est beau, les colonies, c'est formidable, sauf qu'il y a des troubles dans certaines colonies, des mouvements de protestation, peut-être même d'indépendance qui commencent à poindre. Oui, dès les années 1920, il y a des mouvements nationalistes qui se structurent, qui s'organisent en Afrique et en Indochine. À partir de 1925, donc le jeune Parti communiste français, le Congrès Tour 1920, organise des manifestations, des réunions, se fait le relais de ces mouvements. Et puis il y a une demande de réforme, de réformisme. La génération dont on parlait tout à l'heure, de républicains coloniaux, les Doumer, etc., ne doutent jamais du bien fondé de la colonisation et sont plutôt rigides, n'entendent pas la demande de réforme qui n'interviendra que sous le Front populaire en 1936. C'est une des conséquences de l'exposition et c'est une des différences avec l'Empire colonial britannique. Est-ce qu'il y a une hiérarchie est-ce que la métropole a établi une sorte de hiérarchie dans ce qui est plus ou moins précieux dans les colonies? En gros, est-ce qu'il y a des colonies auxquelles on tient plus qu'à d'autres? Cette hiérarchie, il faut remonter à 1885, 50 ans avec l'exposition. C'est le fameux discours, le 26 juillet 1885, la passe d'armes entre Ferry, Jules Ferry et puis Clémenceau. Le Ferry républicain nous explique que le devoir des races dites supérieures est de coloniser les races inférieures. Alors, la Troisième République hérite des conquêtes coloniales de la monarchie. Alors d'ailleurs, l'exposition de 1931 est décalée d'un an. Elle devait avoir lieu en 1930. En 1930, on célèbre le centenaire de la conquête d'Alger par Bugeaud, 1830. Et puis, Lyautey, vous l'avez dit, la prépare dès 1927. Oui, alors on a... c'est les débuts aussi de l'ethnologie, qui est une nouvelle science de l'homme, de l'anthropologie coloniale. Il s'agit d'inventorier, de classifier les groupes humains, de présenter une typologie, des types martiaux. On dit que les Malgaches sont dociles, les Maghrébins seraient rusés, le Cambodgien, lui, regarderait le riz poussé. Tout ceci, donc, se structure grâce à l'ethnologie coloniale et au passage aussi, rappelons-le, on pille les masques et beaucoup de biens culturels pour remplir les musées ethnologiques et anthropologiques à Paris, Londres et Berlin à ce moment-là. Alors, il y a le personnage au centre de cette histoire, c'est le maréchal Lyautey, donc c'est quand même quelqu'un de très important dans la hiérarchie militaire. Tout le monde connaît un tas d'avenues par son nom. Qui est ce maréchal Lyautey? Alors, Lyautey, c'est Lyautey l'Africain, c'est son surnom. C'est un faire-valoir, finalement, pour l'exposition. Vous l'avez rappelé, c'est le premier résident général au Maroc, qui devient protectorat français en 1912, jusqu'en 1925. C'est un colonial convaincu, il fait partie de ce groupe colonial, et finalement on le sort de sa retraite et il prépare très activement dès 1927 l'exposition. Alors le nombre de billets vendus, alors vous avez dit 8 millions de visiteurs, mais comme les gens reviennent plusieurs fois, il aurait été vendu de 33 à 34 millions de billets, selon les sources. Alors d'un point de vue financier, Lyautey va parfaitement équilibrer l'opération. On a parlé de la reconstitution en carton-pâte d'Angkor Wat. Il reconstitue un monument des 5 continents, dont la maison de George Washington aux États-Unis. Donc Lyautey meurt en 1934, en effet, c'est un symbole colonial vivant que d'appeler le maréchal au commissariat de cette exposition. Il était très proche de Doumer, les hommes sont amis et proches, on est dans la même génération. Alors, 1931, je le rappelle, c'est l'année de Tintin au Congo. On raconte Tintin, presque un siècle, là. Et c'est le point d'orgue d'une culture coloniale belge, en l'occurrence, mais enfin, c'est le même principe pour la France. Et je vous propose d'écouter concernant la France une archive. Il s'agit d'une interview de l'historien Pascal Blanchard, spécialiste comme vous de l'Empire colonial. Il s'exprime dans le documentaire « Kanak, le regard colonial, exposition coloniale 1931 », documentaire réalisé par Alexandre Rosada. On est ici au cœur de ce qui reste de l'exposition coloniale, le zoo. créé par Lyautey en même temps que l'exposition coloniale en 1931, pour donner toute sa dimension à la reconstitution de l'empire colonial français. Il fallait le monde animalier à côté du monde des humains et des monuments reconstitués. Mais en même temps, implanter un zoo, en plus de cette dimension-là, il n'y en avait pas à Paris à l'époque, au moment de l'exposition coloniale, c'est tenir un discours. Cette proximité entre homme et animal rappelait d'une certaine manière que ces indigènes étaient beaucoup plus proches du monde animal que du monde de l'humanité, le nôtre. Sur une publicité de l'époque, parue dans la presse, on peut lire effectivement « des bêtes et des hommes ». Comment expliquer cette volonté de déshumaniser, ou plutôt d'animaliser les populations colonisées? J'imagine qu'il y a quand même des humanistes dans ce gouvernement, enfin, de la Troisième République. Alors, on peut y voir deux choses. Alors, une volonté déjà d'infantiliser les populations colonisées, qui sont infériorisées, maintenues dans un état d'assujettissement, de minorité politique. Et puis, deuxièmement, vous l'avez dit, tout est artificiel à l'exposition. C'est une illusion. Les simulations sont factices, trompeuses et mises en scène. Peut-être cette expression de zoo humain, entre guillemets, elle apparaît en 2002 seulement. Il faut attendre 2002 et le travail de Pascal Blanchard et de son équipe pour que on qualifie un impensé, un objet impensable de notre histoire nationale, qui qualifie eh bien, l'exhibition d'hommes, de femmes et d'enfants. Je propose une définition pour nos jeunes auditeurs qui sont nombreux. D'hommes, de femmes et d'enfants présentés en situation dégradante. Et donc rendons hommage à cet ouvrage collectif « Zoo humain » co-dirigé par Pascal Blanchard en 2002, il y a un petit peu plus de 20 ans. Et donc il faut attendre 2002 pour appeler un chat, oui. Cette exhibition. Alors, quand même, à l'époque, en 1931, il y a des protestations de certains artistes, d'une partie de la gauche, on l'a dit, et tout ça aurait poussé à la création d'une contre-exposition. Oui. Léon Blum, en effet, donc il y a des consciences. Léon Blum note quand même, dès mai 1931, dans un éditorial dans le journal Le Populaire, que, je le cite, « les peuples conquis ou soumis commencent à réclamer leur liberté ». Une contre-exposition dénonce la vérité aux colonies, elle dénonce le capitalisme colonial et ses effets pervers, et une ligue contre l'oppression coloniale et l'impérialisme se constitue, et une contre-expo est donc inaugurée le 24 septembre 1931, donc deux mois avant la clôture de l'exposition officielle. Alors, elle n'a pas de moyens financiers, donc elle ne peut pas rivaliser avec l'expo officielle. La Ligue des droits de l'homme, hein, qui apparaît suite à l'affaire Dreyfus, le Parti communiste, qui n'a que 11 ans, vont monter cette contre-exposition au but de Chaumont, hein, à Paris. Ils vont éditer un tract pour l'indépendance des colonies. Et les surréalistes, Breton, Éluard, René Char, s'agrègent à ce groupe. Donc ça ne passe pas non plus comme une lettre à la poste. Hein. Alors aujourd'hui, c'est quand même, il y a des résonances incroyables, parce qu'aujourd'hui, on est dans la repentance concernant la colonisation, et quand on voit ça, on se dit qu'il y a un peu de quoi quand même. Merci à Maury Lorrain. C'est moi qui vous remercie. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'Expo Coloniale de 1931, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Florian Dorimini.